Alors, je vais attaquer 2-3. Vous allez quand même voir quelque chose. Je m'aperçois que le discours est vraiment... Je pensais avoir fini en 20 minutes. Bon, d'abord, je suis obligée presque de reprendre. Je ne vais pas vous lire le livre, hein, de toute façon. C'est... Mais je reprends quand même ces chapitres que j'ai faits sur la... qui se sont imposés à moi, j'ai envie de dire, de la vidéo comme critique de la télévision. Il s'agissait donc d'opposer à la télévision des points de vue autres, de briser le monopole de la parole et aussi d'instaurer le principe de l'échange. Donc. C'était la très belle expression de Jean-Paul Fargier qui était la vidéo contre tout contre, hein, c'est-à-dire avec le même moyen. Le mouvement de contre-culture était aussi un mouvement de contre-information. Pour ceux qui s'en souviennent, je rappelle, qui ne s'en souviennent pas, je rappelle en 68 les affiches « La police vous parle tous les soirs à 20h » ou alors « Attention, la radio ment ». On était en plein dans cette question de censure et d'exigence d'une réponse, d'exigence d'une alternative. Une des premières réalisations de Vidéo à Out en 1970 est en quelque sorte un enregistrement que j'appellerais préventif de la censure. Il s'agissait de prévenir une censure qui était redoutée, à savoir Jean Genet parlant d'Angela Davis et qui était enregistrée par la télévision. Et Jean Genet se disait que peut-être que ce qu'il allait dire ne passerait pas. Et du coup, il a demandé à Vidéo à Out, hein, c'est bien ça, Hélène, toi qui connais mieux que moi maintenant, a demandé à Carole et Paul, je ne sais plus, de venir doubler la télévision. Ah, je trouve que c'est quelque chose de formidable comme usage de la vidéo. C'est un texte de lui sur Angela Davis, sur le massacre des Noirs américains. Et puis, simplement, l'émission n'a pas été... Ce que disait Genet n'a pas été censuré, mais c'est l'ensemble de l'émission qui a été déprogrammée. Déprogrammée était le joli mot pour censurer. Hein. Dès qu'il y avait un discours, un film un peu tendancieux, quelque chose, paf, il y avait un match de football ou autre, on déprogrammait. C'était, à chaque fois, c'était pareil pour Jean-Christophe Averty, qui s'est fait déprogrammer pas mal d'émissions, parce qu'il y avait un discours du général de Gaulle, je ne sais pas quoi. Alors, on peut peut-être regarder ça. Hein, ce n'est pas très long. C'est le libéraux blanc. C'est à la nation blanche américaine que je m'adresse. Nous connaissons votre plan. Vous vous êtes aperçu que les Noirs américains sont intelligents. Depuis que vous savez qu'ils vous dépassent dans la réflexion révolutionnaire, vous avez décidé, et je redis le mot décidé, de les anéantir. Bonne cible, vous le réservez pour la chaise électrique du Connecticut. Jackson sera conduit à la chambre à gaz en Californie. Vous essayerez de faire disparaître Angela Davis et le peuple noir, espérez-vous, aura assez de pouce pour avoir des gestes toujours plus obliques pour vous servir et pour se taire. Votre plan est au point. Même cette télévision d'où je vous parle nous disait avec dégoût que Reagan sablait le champagne après la capture d'Angela. Donc, tout est en place. Vos flics qui ont déjà tiré sur un juge de façon à mieux tuer 3 noirs, vos flics, votre administration, vos magistrats s'entraînent tous les jours, et vos savants aussi, pour massacrer les Noirs, d'abord les Noirs, tous, ensuite les Indiens qui ont survécu, ensuite les Chicanos, ensuite les radicaux blancs, ensuite, je l'espère, les libéraux blancs, ensuite les blancs, ensuite l'administration blanche, ensuite vous-même, alors le monde sera délivré. Il y restera, après votre passage, le souvenir, la pensée et les idées d'Angela Davis et du Black Panther. Alors, une autre question en relation avec la télévision, c'était celle du droit de réponse. Et en 1972, une loi a institué le droit de réponse à la télévision avec toutes sortes de restrictions. Et en particulier, c'était un droit qui était réservé à des personnes physiques, mais pas à des personnes morales, pas à des associations. Et il n'y avait pas de réponse possible, par exemple, contre les campagnes de dénigration des jeunes, des immigrés, contre le sexisme ou les insultes quotidiennes qui étaient faites aux femmes. Et je vous passerai... J'ai pas le temps de passer Pasolini. Entre nous, si vous pouvez tous lire les écrits corsaires de Pasolini, ben j'aurais pas. Si c'est enregistré là partout, c'est absolument autour de la page 93 si vous le trouvez. Je le dirai peut-être après, mais j'ai peur qu'on n'ait pas le temps. Alors, ce qui est devenu aujourd'hui une pratique tout à fait banale était alors une découverte passionnante. C'était la possibilité donc de citer le discours télévisuel dans sa matière même et de lui appliquer toutes sortes d'opérations critiques. Là, il y a beaucoup d'exemples. Je vais juste en choisir un, deux. L'un... On n'a peut-être pas le temps. Alors, Septembre noir, ça va être trop long. Je ne vais pas vous le passer, je vais vous dire un mot. Encore une bande de 1972, une de ses tout débuts, réalisée par Vidéo Out, qui s'appelait Septembre noir, ou qui s'appelle Munich, mais à mon avis, c'est la même. Non, tu crois pas? Non, en fait, il y a des extraits qui sont repris dans l'autre. Mais Septembre noir, cette bande d'origine, a priori, est perdue. Ah, d'accord. Alors, ma mémoire de Septembre noir, quand j'ai vu Munich, je me suis dit, mais c'est bon, ça, la même chose. C'est pas grave. Munich, disons. Le 5 septembre, pour rappeler l'histoire, des membres de l'équipe olympique d'Israël ont été pris en otage et assassinés par des terroristes, membres de l'organisation palestinienne Septembre noir. Et là, Vidéo Out a réalisé... une bande tout à fait intéressante et en quelque sorte était une bande, une précurseur de ce qui de pratique qui allait suivre très souvent. Une manière de jouer le son contre l'image ou l'inverse. Alors, par exemple, il prenait les images des Jeux Olympiques, images qui avaient été ralenties, et énonçait, Vidéo Out énonçait, une voix off disait des faits d'actualité qui concernaient les massacres des Indiens d'Amazonie, des expulsions de travailleurs et des guerres. Et bien évidemment, cela rendait la plastique des Jeux Olympiques beaucoup moins fascinante et dénonçait la mystification internationale qui consistait à dire que les Jeux olympiques, on les réentend constamment, étaient porteurs de paix. Donc, substitution d'un autre son sur ces images. Et à l'inverse, avec des extraits des journaux télévisés et les réactions tout à fait indignées des chefs d'État sur cet attentat, le collectif répond en mettant sur ses sons des images originales d'un hôpital d'Amman qui avait été bombardé en 70, ou alors celles des camps de Gaza, de Baqa en Jordanie, où on voit, c'est absolument terrible, une queue où des adultes se battent avec des enfants qui tiennent leurs gamelles. C'est vraiment la misère et la faim pour avoir quelque chose à manger. Alors, si cet exemple m'intéressait, il y en a beaucoup de ce type, enfin, pas tant que ça, c'est parce que, d'abord, Vidéo Out était allé filmer sur les lieux en Jordanie, et aussi, cela montre que les collectifs militants de l'époque, même si on les étudie en France, témoignaient très largement des oppressions et des violences internationales. Leur préoccupation n'était pas seulement centrée sur les luttes en France. Je dirais la même chose, et je pense que Yvonne Mignot-Lefebvre en parlera lors d'une autre intervention, que Vidéo 00 faisait d'une certaine manière, s'intéressait aussi à ce qui se passait à un niveau largement international, en particulier en Afrique, avec le film, par exemple, le documentaire sur la faim au Sahel et d'autres. Mais la bande qui m'a beaucoup intéressée, je ne dis pas que c'est celle qui m'a déclenché le désir d'écrire, mais quelquefois ça arrive, c'était Mazo et Mizo vont en bateau. C'est très connu, c'est la bande sans doute la plus connue, par les Insoumuses, de quatre femmes. Mais est-ce qu'il y en a beaucoup qui ne la connaissent pas ici? Tout le monde la connaît? Alors une Insoumuse dit pas. Non, pas l'extrait, encore le même. Non, tout le monde la connaît? Non, il y a des jeunes gens. Non, il faut. Non, mais s'il y a trois ou quatre, on peut le montrer après, hein, si tout le monde connaît. Alors dites haut ceux qui ne connaissent pas. Ah, il y en a plus qu'on ne croit, c'est toujours comme oui, ça. Non, il faut le voir. On va en passer un tout petit endroit, un tout petit passage. Bon, mais c'est vraiment là une bande tout à fait exemplaire de cette pratique de l'interruption, de la répétition, de commentaires intempestifs et de questionnements qui invitent le spectateur à réagir. Et ça va plus loin que simplement l'interruption. Il y a plein de subtilités, en particulier une parodie des modes de sondage à la télévision. Il y a là une façon de prendre à partie, pas tellement Françoise Giroud, qui était secrétaire d'État à la condition féminine, et qui avait été invitée par Bernard Pivot, mais de prendre à partie la télévision et le discours autorisé. Bon, c'était une émission enregistrée le 30 décembre 1975 et qui s'appelait « Encore un jour et l'année de la femme, ouf, c'est fini ». Bon, j'aime bien cet exemple, mais alors je suis désolée que tout le monde l'ait vu, bon, tant mieux, on va le revoir, à cause de la dérision et de l'humour qu'il y a, d'une espèce de légèreté dans le commentaire, avec toutes ces maladresses. C'est formidable. On en montre un tout petit bout, C'est de la colère. Les Insoumuses, elles sont quatre, sont impertinentes. Elles sont insolentes et on manque d'insolence. La ministre Fierce et Miso de la gastronomie. Il s'agit du chroniqueur gastronomie Christian Guy, à qui je demandais si, selon lui, les femmes sont meilleures cuisinières que les hommes. La meilleure preuve, c'est qu'il n'y a jamais eu de grand chef qui était femme, qui sont des femmes, il n'y a jamais eu un grand auteur gourmand qui était une femme, et ça s'explique de différentes manières. D'une part, parce que être un grand chef, c'est beaucoup de travail, c'est très dur, c'est pas difficile. Et je sais bien que maintenant, les cuisines sont climatisées, il y a le gaz, l'électricité, c'est quand même beaucoup moins dur qu'autrefois, mais c'est quand même un boulot extrêmement dur. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a également une autre chose, c'est que ce que je reproche à la cuisine culinaire, aux femmes qui font la cuisine normalement, elles le font tous les jours, mais c'est pas cette cuisine-là dont nous avons parlé, c'est cette cuisine tous les jours, c'est une cuisine fatiguée. Ça, c'est fatigant aussi. C'est très fatigant aussi, je veux bien croire, mais elles s'y appliquent de moins en moins. Est-ce que les femmes ont du talent en cuisine? Certainement pas. Voyons enfin, ça se saurait, on les verrait avoir inventé un plat, on verrait un bocus femme, on verrait quelque chose comme ça. Un bocus femme, féminin, justement, pour les femmes. Oui, c'est vrai. La meilleure fois, plutôt, va être féminin. Eh bien, chef n'a pas de féminin, vous allez dire une chef-esse? Chef-tête. Chef-tête, c'est ça. Ouais, la chef capitaine de l'Étoile d'Or. Non mais attendez, ce que vous contestez, c'est l'esprit créateur de la femme. C'est l'esprit créateur de la femme, je m'en fais. La femme a peut-être trop d'imagination. Parce que faire un plat, c'est de faire un grand plat, et là, elle ne suit pas la recette classique, alors on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Vous voyez? Et ça, c'est terrible. En cuisine d'une femme, on ne réussit jamais deux fois le même plat. Ça, c'est pas possible. Alors lorsqu'elle veut faire un plat, bon, mes épices ont dû jeter, et peut-être que ça permet de se dire non, de non, est-ce que je vais avoir des bras pour sortir ce soir? Elle file quand dans sa salle à manger, beaucoup de temps de ses mines, elle laisse tout réussir, et que le morceau de viande est complètement cramé. Bon, ouais, tout ça, elle n'a pas d'idée de suite comme pour la grande cuisine. Il y a l'esprit créateur et l'esprit de faire une grande recette. C'est là où nous en venons. N'est-ce pas? Et c'est impossible. La meilleure fois, je vous dis, c'est citez-moi. Oui, vous l'avez cité à Madame Manier tout à l'heure. Oui, il y en a d'autres à l'autre que j'ai. Mais je crois que vous avez déjà. Pour une fois, je ne parle pas. On parle sérieusement. Qu'est-ce qu'elle a dit? Sérieusement. On parlait sérieusement. Je vous avais donné un très bon argument tout à l'heure et que les conditions dans lesquelles on fait la cuisine quand on est un grand chef dans un grand restaurant sont presque intolérables physiquement pour une femme. C'est tout à fait vrai. Et les conditions dans lesquelles on fait la cuisine quand on est un grand chef dans un grand restaurant sont presque intolérables physiquement pour une femme. C'est tout à fait vrai. Donc c'était une réalisation des Insoumuses avec qui comprenait Johanna Wider, Nadia Ringard. Qui est là aujourd'hui. C'est qui? Qui est juste là, Nadia. Nadia Ringard, Delphine Seyrig et Carole Roussopoulos. Donc apparemment c'est une bande qui est beaucoup beaucoup montrée. Moi je l'avais revue seulement lors de l'hommage à Carole. On pourrait en reparler, oui. Des raisons effectivement pour lesquelles, enfin tout à l'heure au moment de la discussion, certaines bandes effectivement sont plus vues que d'autres parce que oui. Précisément c'est celles qui ont été récemment sauvegardées ou même plus antérieurement et oui. Donc c'est pas un hasard si pour l'instant c'est un peu toujours les mêmes qui circulent. Il faut. Donc je vais aller un tout petit peu plus vite justement pour qu'on puisse discuter et voilà conclure. Bon, la vidéo permettait d'enregistrer, de produire des mémoires particulières, inédites, donnait une ampleur aux paroles qu'elle faisait advenir. C'était évidemment des paroles de gens qu'on n'entendait jamais, ou rarement. Paroles de prisonniers, paroles de femmes, qu'il s'agisse des viols, prostitution, avortement et toutes les formes d'exploitation. Alors, dans toutes ces mémoires, les femmes ont la part belle. Elles l'ont enfin, je dirais, et justement. Il faut rappeler, très vite, que le développement de la vidéo coïncide avec celui du mouvement féministe au tout début des années 70. Et il y avait avec la vidéo cette recherche de structures d'expression qui serait plus ouverte. C'est enfin la possibilité de contrôler l'ensemble du processus de production et de réalisation. Donc là aussi, je développe pas, puis vous avez la belle thèse d'Hélène sur ce sujet, qui j'espère sera publiée très vite. Mais il y avait aussi bien des vidéos qui ont jalonné toutes les étapes de la lutte, que ce soit le vote sur la, la loi sur l'avortement, des grèves d'ouvrières, mais aussi des interrogations sur des problèmes qui n'étaient pas nécessairement liés à l'actualité, mais qui concernaient la sexualité, la santé, la vieillesse, l'image de la femme qui était véhiculée par les médias. On n'a pas le temps de Sois belle et tais-toi, hein, peut-être. On peut réserver des bandes pour après des, hein? En fonction, voilà. Voilà. Après, ce sera vidéo à la demande, extra à la demande. Bon, donc je vais au plus vite. Mais il y a une vidéo qui aussi m'intéressait beaucoup, que j'ai revue lors de la présentation, lors de cet hommage. Et je ne l'avais pas oubliée parce qu'elle est vraiment violente, mais qui est réalisée par deux insoumuses, Carole Roussopoulos et Delphine Seyrig. Et c'est Scoum Manifesto, c'est la lecture du manifeste écrit par Valérie Solanas en 67. Pour ceux qui ne savent pas, c'est elle qui a tiré sur Andy Warhol, qui a voulu le tuer. Et c'est un réquisitoire étonnamment radical contre les hommes, qu'elles appellent des handicapés émotionnels, et qui demandent leur disparition immédiate. Alors, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est bon, d'abord la radicalité, parce que je trouve que ça va, c'est formidable, cette radicalité en elle-même. Mais c'est aussi le dispositif. Si vous commencez à parler de dispositif, là, on a un exemple d'un système de tournage, de cadrage extrêmement simple. Et c'est ça que j'admire dans beaucoup de ces vidéos des premiers temps. C'est que, enfin, des vidéos militantes, surtout. C'est une sorte de. C'est l'aspect direct de la réalisation. Direct au sens où, là, il n'y a pas de montage. C'est un enregistrement continu avec. Se cadra sur un plan face à face où l'une, Delphine Seyrig, lit le texte de Solanas pendant que l'autre, Carole, tape à la machine le même texte. Et par moment, entre un petit geste simple consiste à augmenter le volume de la télévision qui est derrière entre elles deux. C'est rien et la télé est là. La présence, et qu'est-ce qu'on voit à la télévision du jour, au journal télévisé, ce sont des hommes en train de faire la guerre, hein, plus ou moins. Enfin, il y a toutes sortes d'images, de catastrophes, de guerres, etc. Alors ce dispositif est très simple et il est très fort et il rend du coup le texte encore plus percutant. C'est-à-dire que d'une certaine manière, le spectateur est obligé d'écouter. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Il n'y a pas de diversion, il n'y a pas, on pourrait dire, d'agrément. C'est straight, en anglais, c'est direct. Alors, moi, je le regarderai bien un petit bout. Hein? Encore. Bon courage aux hommes, là, après ça. Ça va être une épreuve, mais... Alors, je ne sais plus, j'avais gardé 4 minutes, 3. Scoum Manifesto de Valérie Solanas, 1967. La vie dans cette société étant au mieux d'un ennui total. Et aucun aspect de cette société ne concernant les femmes, virgule. Il ne reste plus aux femmes à l'esprit civique, virgule. Aux femmes responsables, virgule. Aux femmes aventureuses, qu'à renverser le gouvernement, virgule, éliminer le système monétaire, virgule. Instituer l'automation totale. Et détruire le sexe mâle, point. Il est maintenant possible de se reproduire sans l'aide des hommes. Ni même en fait des femmes. Et de ne produire que des femmes. Nous devons immédiatement commencer à le faire. Point. Le mâle est un accident biologique. Deux points. Le gène mâle Y est un gène femelle X incomplet, virgule. C'est-à-dire qu'il est un ensemble incomplet de chromosomes. En d'autres termes, l'homme est une femme incomplète, virgule. Un avortement ambulant, virgule. Avorté dès le stade du gène, point. Être mâle, c'est être déficient, virgule. Limité émotionnellement, point. La masculinité est une maladie due à la déficience. Et les... Le général Haig a donc confirmé que l'Union soviétique faisait un effort particulier en ce qui concernait son armement et sa défense. Cela confirme donc ce que tous les... Ça continue encore longtemps. Je crois que je vais terminer avec un extrait de livre. Simplement pour dire que dans le parmi toutes les productions militantes, donc il y en a eu beaucoup qui ont été réalisées par des femmes et dans un esprit féministe. Mais beaucoup aussi, évidemment, ont été saisis ou sont intervenus, beaucoup de collectifs sont intervenus dans les luttes, qui étaient des luttes liées à des grèves, à des licenciements, à des modes d'exploitation. Et en particulier, il y en a une qui a duré longtemps d'ailleurs, qui a été celle de Lippe, qui est restée la plus célèbre. Et évidemment, celle-là aussi, elle est souvent présentée, j'imagine. Moi, je ne l'avais pas vue non plus depuis longtemps. Et je pense qu'il y a là un autre dispositif aussi très intéressant qui commence à... qui, d'une part, est de l'ordre de la fiction. Vous allez le voir, ça va être plus simple que vous preniez. On passe au premier extrait de Nick. Le premier. Donc, c'était une grande grève à Palante en... les usines livres, en 1973, qui a duré plusieurs mois et qui a d'ailleurs repris en 1976. Bon, je peux en dire plus. Je vais raconter un petit peu ce qui se passe chez lui à propos des femmes. Mais je vais remplacer à chaque fois le mot « homme » par le mot « blanc » et le mot « femme » par le mot « arabe ». Alors à chaque fois que je dirais « des arabes », ça veut dire « des femmes ». Alors donc, chez lui, il y a la moitié de blanc, la moitié d'arabe. Naturellement, les grands chefs sont des blancs. Il n'y a pas de grands chefs arabes. Les grands chefs blancs pensent, réfléchissent et parlent. Nous, les arabes, bah on pense. Moi, je sais, puisque je suis un arabe. On réfléchit. Mais les grands chefs blancs, ils ne peuvent pas le savoir qu'on réfléchit, puisqu'on n'a jamais le droit de dire à quoi on a réfléchi. Alors seuls les grands chefs blancs mènent la lutte. Et nous, les Arabes, on suit. Remarque qu'il y a aussi, à part les Arabes, il y a des blancs qui ne sont pas des grands chefs. Il y a beaucoup de petits blancs. Ils n'ont pas beaucoup la parole. Mais quand même, quand ils disent quelque chose, c'est moins mal vu que quand c'est un Arabe. Et ces petits blancs, dans certains cas, ils sont quand même du côté des grands chefs blancs. Par exemple, tiens, en ce qui concerne les problèmes d'Arabes. C'est vrai, les Arabes, on a des problèmes d'Arabes. Puis les Blancs, ils ne peuvent pas comprendre, tu vois, ça les dérange. Par exemple, on n'a pas les mêmes maladies qu'eux. Ces Arabes, ça a un ventre compliqué. Les grands chefs blancs, ou tous les Blancs d'ailleurs, quand ils ont des maladies, c'est des maladies nobles, c'est des choses vraies, des problèmes sérieux. C'est pas comme ces Arabes qui se plaignent pour tout et pour rien, et qui dérangent. Alors, évidemment, en ce qui concerne par exemple la lutte, on peut dire que tout le monde sera défendu, même les Arabes. Il y a une bonne raison pour ça, je vais te dire pourquoi, c'est que cette usine ne peut pas tourner sans les Arabes. Alors, pour l'emploi, on sera tous défendus avec impartialité. Évidemment, les Blancs, leur rêve serait d'être une usine de Blancs. Tout serait tellement simplifié, c'est fou. Puis il y a quelque temps, les Arabes, on était un peu récalcitrants pour l'État. Alors, pour tous les petits travaux, tu vois. Et les grands chefs blancs ont dit, ben, on va se mettre nous aussi à faire ces tâches humbles, tout ça, on va montrer l'exemple. Évidemment, c'est dommage de gâcher le temps de ces grands penseurs à faire des travaux aussi simples, aussi discrets. Enfin, j'aurais pas dû dire aussi discrets parce qu'ils sont pas tellement discrets quand ils font ça. Enfin, certains. Par exemple, quand il y a un grand chef blanc à la cuisine, ben, on sait, hein, on l'entend. Il remue, il récrit tout le monde. Il faut que tout le monde soit autour de lui, enfin tout un tas d'Arabes, il y a une dizaine d'Arabes autour de lui pour éplucher les oignons ou passer les plats. Et les Arabes qui sont là, on n'en fait pas de cas, on ne sait pas leur nom. C'est des Arabes, c'est normal, ils sont 10, ils sont 20, on ne les compte plus, ils n'ont pas de nom. On ne les remarque pas comme un grand chef blanc qui a daigné venir à la cuisine. De toute façon, dans la lutte, les Arabes qui n'ont pas la parole, on leur recommande quand même de se rendre utile. Ils doivent même se rendre utiles. Comme je le dis, passer les plats, faire les nettoyages, monter la garde, taper à la machine ce que les grands chefs blancs ont pensé et élaboré. Mais pour la stratégie, on ne leur demande jamais leur avis. De toute façon, un arabe, ça doit rester discret, que ce soit dans son travail ou pour le tout, un arabe qui va changer le papier des chiottes et tout ça, ça ne fait pas de bruit. On trouve ça normal, c'est un boulot d'arabe. On va quand même pas s'épater parce qu'un arabe a fait du nettoyage. C'est fait pour ça, un arabe. Bien, donc vous avez là juste quelques exemples d'humour, de réalisation humoristique avec un humour vraiment dévastateur, on peut dire. Alors Monique Chélip. Il y a eu beaucoup d'autres tournages avec elle, et elle a une parole forte, elle a une présence extraordinaire, et même quand elle parle sans avoir, comme ici, répété, préparé sa fiction, ce déplacement qui est opéré des femmes vers les Arabes et des chefs de la direction de l'usine vers... pas de la direction de l'usine, des chefs des syndicats. Surtout ces syndicats, évidemment, qu'elle attaque, qui deviennent tous des blancs. Évidemment, elle a, même quand elle est tout simplement, quand sa parole est prise, elle a une extraordinaire force. Alors bon, c'était pas le cas de tout le monde. Faut pas, on montre toujours cette bande parce que c'est vrai qu'elle est assez étonnante. Il y a une idée encore, comme très souvent ce que faisait Vidéo Out, hein, ou d'autres groupes, il y a une idée qui est exploitée. Et ça, c'est une grande force, et d'une très très grande simplicité aussi. Je crois que pour rentrer dans le détail maintenant de, de ce qui caractérisait ces paroles aussi d'un point de vue esthétique, ça devient un peu serré. Sur la diffusion, peut-être c'est l'objet d'une autre séance. On en parlera. Bon, plus tard. Alors je vais, pour conclure, parce que là je vois bien qu'il est 8 heures et que, surtout si vous n'entendez rien là-bas, au fond. Il y avait de la place devant aussi. J'ai tout à fait conscience de n'avoir donné qu'un aspect tout à fait réducteur. Bon, le temps manque, mais aussi la mémoire. Et que la vidéo ait permis d'enregistrer des luttes ne signifie pas que toutes ces bandes aient été correctement préservées ou qu'elles soient accessibles, ou même que l'on puisse relire des copies. Alors, je sais que beaucoup travaille à ces restaurations, à ces conservations, ça a été énoncé tout à l'heure, je trouve ça formidable. J'arrive un peu trop tôt, là, il aurait fallu faire ça enfin, pour que j'ai le matériel, en fin de séminaire. Mais moi, c'est significatif, je n'ai rien, mais rien du tout, cette époque. Je ne faisais pas d'archives à l'époque. Et je veux rappeler que, de toute manière, il était fort difficile, long, et il fallait du matériel pour faire des copies. Au milieu des années 70, forget it, c'était vraiment compliqué. Donc on voyait des bandes, je parlais avec les acteurs de ces réalisations, les productrices, les producteurs, mais je ne gardais rien. Je n'avais même pas l'idée qu'il aurait fallu garder quelque chose. Évidemment, ça change et ça, c'est vraiment important. Que dire maintenant, après 40 ans, c'est un peu difficile. On a vu se développer toutes sortes de formes de normalisation. Et il est clair que dans les années 80, l'intérêt s'est très fortement déplacé du côté de l'art vidéo, du côté des écritures, du côté de la fiction, même les collectifs militants. Cela était évidemment lié à la vivacité des luttes et à leur renouvellement. Ça ne veut pas dire que ces luttes en question n'existaient plus, évidemment. Mais il y a eu comme une sorte de, disons, d'apaisement ou de... Pas d'apaisement. Je recherche parce que l'analyse, il faut encore la faire. Je pense qu'on est en train de se réveiller maintenant. On se réveille avec d'autres moyens qui sont à notre disposition, qui ne sont pas une vidéo dont la technique aurait été améliorée, mais d'autres instruments, d'autres dispositifs sont au service, plus forcément des collectifs. La situation a vraiment changé. Ce sont des dispositifs plus petits, comme les téléphones portables multi-usages ou Internet, et ce qui s'appelle les réseaux sociaux. Enfin bon, maintenant, ce sont les flash mobs qui sont les outils de l'urgence et qui ont montré d'ailleurs leur formidable capacité de mobilisation. Alors on se demande le rôle que les collectifs peuvent jouer encore. Moi, je pense que ça va revenir, qu'on va avoir besoin de collectifs, non plus tellement comme intermédiaires, comme guides. C'est encore autre chose. Mais je pense qu'on n'a jamais... Évidemment, il y a plein de paroles qui se diffusent sur Internet. On n'a jamais autant échangé, peut-être. Hein. Mais en même temps, on se trouve complètement... noyé, perdu dans la formation. Il y a une sorte de fragmentation et de réduction qui est opérée par le fait même que nos capacités à lire, à échanger sont limitées dans le temps. Alors, comment s'orienter aussi dans ce labyrinthe? C'est peut-être là de nouveaux rôles qu'il va falloir prendre en compte. Je voudrais dire aussi qu'avec tous ces moyens, maintenant, nous sommes plus que jamais dans une société de contrôle, puisque nos goûts, nos désirs même sont reconnus et sont interprétés par les logiciels qui nous réorientent constamment vers ce que nous connaissons et ce que, prétendument, selon l'analyse des systèmes, ce que nous aimons. Alors là, je pense que nous sommes confrontés à un dispositif de clôture tout à fait effrayant et qui parachève ce qui avait été analysé par Foucault, Deleuze et d'autres, qui parachève cette modélisation des consciences au service de l'économie et, oui, j'oserais prononcer le mot capitaliste. Ah, j'ai envie de dire, j'avais prévu de finir plutôt, alors c'est un peu plaqué, mais je l'aime bien, donc je m'autorise, par une citation de Gramsci dans ses écrits politiques qui disait « L'indifférence est parasitisme, lâcheté, elle n'est pas vie. C'est pourquoi je hais les indifférents. » Donc, moi aussi. Voilà. Un immense merci pour ton intervention, Anne-Marie. J'ai évité cette lecture. Pour tout ce que tu nous as offert en réflexion, en témoignage. Et merci pour ton livre qui, effectivement, aujourd'hui est épuisé. Mais il était question, tu m'en as parlé par téléphone récemment, peut-être qu'on le scanne et qu'on en fasse un PDF pour qu'il soit de nouveau au moins sur Internet. Accessible peut-être au moins à ce groupe de recherche.